Bonjour, je suis compositeur de musique. J'ai fait déjà une formation au conservatoire il y a quelques années. Et après, je suis monté à Paris, où j'ai fait quelques disques, dont un qui avait bien marché à l'époque. Il s'appelait Le matin sur la rivière, qui était chanté par Eve Brenner.